Alors, que nous dit l'oracle de Béline? Quel est le message de l'oracle de Béline pour le mois de mai 2022 en ce qui concerne nos amis Sagittaires? Donc, mai 2022, Sagittaire, mois de mai. Tac, tac, tac. Bon, bah, apparemment, on a deux bonnes cartes, la clé et la réussite, la clé de la réussite. Donc, quoi qu'il arrive, normalement, on a quand même déjà une coupe de bon augure. Alors, quel est le message du Béline pour nos amis Sagittaires en ce qui concerne le mois de mai 2022? Sagittaire. Alors, bah décidément, vous faites toujours des surprises, les Sagittaires, hein. Avec des belles coupes au départ et puis après, des tirages qui se compliquent un peu. Ce que j'ai ici, c'est... Alors, on va parler de réussite au travail, de réussite dans vos activités en général, si vous ne travaillez pas, dans vos entreprises, ce que vous entreprenez au quotidien, l'amélioration que vous voulez apporter à votre confort. Eh bien, par rapport à tout cela... C'est vrai que il risque, vous devez faire être redoublé de prudence parce que vous risquez de jouer d'une certaine malchance par rapport à un obstacle qui va se dresser sur votre route et peut-être même des ennemis que vous n'attendiez pas, qui des rivaux, de la concurrence selon votre situation. Qui vont se dresser sur votre route et vraiment vous ne vous y attendez pas. Mais malgré tout, on a à nouveau la clé de la solution qui est sortie et par rapport à la coupe, cela explique que vous allez arriver à une solution, vous allez pouvoir combattre l'adversité et normalement continuer votre chemin comme vous l'avez commencé. Cela donc vous prévient juste d'être plus prudent que d'habitude. Voilà, alors bon courage amis Sagittaires et puis restez optimistes puisque apparemment ben cela va vous réussir. À bientôt.